Dis-toi bien que chez les méchants, on n'entend jamais de chansons. Et tu pourras t'endormir au cœur de la forêt, ou bien dans ce vieux chalet. Au petit matin, quand le soleil se lèvera au loin, le chant des chez les méchants, on n'entend jamais de chansons. Et ainsi tous les refrains que tu auras trouvés le long de ta vie, tu les chanteras lorsque tu seras arrivé chez toi et qu'enfin ta route sera finie. Toi qui as peur des longs chemins, car dis-toi bien que chez les méchants, qu'on en...